Ok. Roger. Phantom. Top quality beats. Retour du vrai, vrai. Retour du vrai, vrai. Retour du vrai, vrai. Retour du vrai, vrai. Retour du vrai, vrai. Retour du vrai, vrai. Retour du vrai. Retour du vrai, encore plus frais qu'à l'ancienne. Refrais tes prêches, je te nique ta mère jusqu'à que ton père vienne. Ça fait 5 piges qu'ils m'attendent, que mes punchlines s'enguisent, qu'ils visent ma carotide pendant que j'ouvrais leur boîte sanguine. Moi je rappe pour les bonhommes, depuis le départ je les ai largués. J'arrache le max et l'impide de la bite, tous ces bâtards qui me suçaient la bite. C'est vrai qu'ils me détestent, paraît que j'en fais trop. Flot sous-marin, qu'ils se tèchent sous le métro. De la tête je m'habille, je perdrai la vie. Ami, Zermi, Katsumi, Enmi, Tatami, Kouté. Plus gars et qui boule le sol, pas des raris. VLT se détériore, winner à toutes les périodes. On te baisse et te blesse jusqu'à tes foyers le sternum. Pas de cri, je chante la Marseillaise en insultant à la patrie. On va te faire un pan haut sur le crâne et t'es pas qui. Teste pas cousin, mon avenir écrit et tracé. J'ai tellement rappé la rue que je m'en suis brisé la trachée. Hell's ennemi, traître, tu tiens pas à ta vie. Je suis sur les bords, au bord de l'ici. Je suis partout. Je la laisse se suicide. J'ai la rime à la saute, la plume à la scie. Retour du vrai, retour du vrai. Retour du vrai, retour du vrai. Retour du vrai, retour du vrai. Retour du vrai, retour du vrai. Poto c'est la guerre, je suis du bon côté du Uzi. Kalachat, votre Kavelt et c'est devenu la Russie. Qui m'aime me trahit, qui me déteste me suit. Le son me porte conseil, mon ombre me fuit la nuit. J'ai des putains de flow et sors du 9-4. Toute ma jeunesse on faisait de l'autostop avec la C4. Je me sens trop chaud, trop frais. Pour le dernier rush, je grimpe sur ces timbres comme les fruits du Candy Crush. Cellule déguisement, hôtel dégrisement. Freine épuisement, bilel et vos has-ball, empire et puissance. Mal accompagné, je me confie à des bâtards. Me sens solo sur ma lancée, comme un pilote au Dakar. Personne à mes échos, je gère mieux ma rierka. Comme Ribéry, j'ai des blessures et je suis entouré de Zaya. Une boy, une cote, merliche, je crèverai seul. Mais ta langue te supplie de bien vouloir fermer ta gueule. Hess, l'ennemi, traître, tu ne tiens pas à ta vie. Je suis les bords, au bord de l'ici. Je suis partout, je la laisse se suicide. J'ai la rive à la saute, la plume à la scie. Retour du vrai, retour du vrai. Retour du vrai, retour du vrai. Retour du vrai, retour du vrai. Retour du vrai, retour du vrai. Hess, l'ennemi, traître, tu ne tiens pas à ta vie. Je suis sur les bords, au bord de l'ici. Je suis partout, je la laisse se suicide. J'ai la rive à la saute, la plume à la scie.